Yeah, cholo loco pont ton foiré. Quartier général, hein. Nastek à la prod, hein. Hein. Le regard est glacial, pire qu'un mois de décembre. J'la le mirage en dessous de mes pieds et je ne vois que descendre. Sans le dire, je ne crois que mes sens. Impartial, vu que trop d'envie, ils veulent me voir descendre. Donc je mets de l'encre et laisse faire la plume. Ouais, je reste là-dessus, putain de merde, j'aimerais faire de la thune. Trop de poids, faut pas qu'on tombe, en vrai mes vertèbres l'assument. Je suis guidé par mon ombre quand les réverbères s'allument. Bah ouais, c'est ça, ce que est insalubre. Ah, j't'ai pas vu, allez, salut, mec, c'est sale ici, rien que salut. Bah ouais, tu le sais, on a grave du flair, tu le sais, on a pas su le faire. Je dois décrocher la lune, mon succès ne tombera pas du ciel. S.O. Cassius Clay, j't'ai frappé jusqu'à que tu sais. Et yo, j'sais pas si tu sais, mais j'partais sur le casse du siècle. 45 degrés dans le revêt, ça boit rap du thé. J'bombarde dans la kiv, l'arrière du crâne collé contre la butée. Au cas où t'aurais pas compris, tout est prêt. Dis-moi, j'compte pas faire semblant de connaître la sombrie pour être crédible. Y'en a qui parlent trop pour rien dire, j'vois pas de loyauté. Là, y'a quoi fauter, rien de positif à part l'alcôté. Sur le bas côté, je navigue et la voix part du cœur. En gros, je passe à côté de ma Yves comme les trois quarts du peuple. En vrai, je me dois de parler de tout, refresh des vies sans cesse. L'état français nous tient par les couilles, ce n'est que l'évidence même. On veut de la thune jusqu'à s'y perdre, des grosses chaînes, des caras. Trop immature, je rêve de liberté comme Che Guevara. Ouais, c'est pas grave si le présent n'en décide pas ainsi. On dirait que j'attends que le ciel me fasse un signe. Sale récit, rien n'épargne ce monde, la faucheuse a faim. Il se passe un cycle où chaque seconde nous rapproche de la fin. En secret, ça ne sert à rien que tu bouges. Prêt à tout pour avoir les 7 dames sur ma ceinture rouge. Je les mets KO, ne m'arrête pas, faut que ma haine je la domine. Je connais mes Tao, frappe les pas, on t'arrête, ciao, li. Ouais, je suis dans le flou, je m'en foutrais qu'on blesse. Je comprends pas vraiment tout ce qui m'entoure, t'avoue que c'est complexe. La vie est grise, on perd nos proches, encore trop de cierges. Attristé, je vide mon verre au sol pour mes potes au ciel. Rien que ça me fout droit, j'essaie de me battre sans le renier. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi les meilleurs partent en premier. Bang, bang, on t'enfoirait.